Section 70 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 70. Un vieux, par Pierre Loti. Chapitre 13. Un autre printemps encore le trouva plus tremblant, plus débile, assis dans son petit jardin. Pourtant ses sommeils n'avaient plus les rêves agités d'autrefois. C'étaient seulement des ressouvenirs d'espace et de soleil. C'étaient des grands vides bleus devant lui, ou bien des étendues changeantes, comme sont les lointains profonds des eaux. Et au premier plan, se découpaient toujours quelques détails, très rapprochés, de gréement ou de mâture, une vergue, une voile ou des haubans. Au fond de son cerveau qui s'en allait, ces dernières images lui étaient restées de sa jeunesse, passées dans les unes, ou peut-être, par une transmission mystérieuse, lui revenaient-elles de plus loin encore, de ses ancêtres, marins comme lui. C'était bien fini pourtant, jamais. Jamais il ne la verrait plus, la splendeur bleue, la splendeur infinie des mers. Ni lui, ni aucun fils issu de son sang. Il était une souche épuisée, dont rien ne devait survivre. Il avait peur, à chaque tombée de la nuit, disant qu'il finirait par mourir seul. Mais la mère Le Gall, qui pour de l'argent, restait maintenant chez lui tout le jour, refusait d'y coucher, prétendant que cela pourrait faire jaser. Les plaies de ses jambes s'étaient beaucoup étendues et il continuait de laver ses linges lui-même avec grand soin, voulant absolument rester propre. Mais il lui arrivait de se tromper, de tripoter dans les mêmes eaux plusieurs fois. Il ne savait plus trop et faisait, par enfance, des choses très sales. En mai, il essaya encore de jardiner, se tourmentant beaucoup de ces deux petites plates-bandes qui avaient pris un air abandonné et où poussaient maintenant de hautes herbes, comme auprès des tombes. Mais s'annonçait très beau. Des hirondelles qui avaient un nid sous son toit chantaient dès le matin leur joie d'amour. Partout dans la campagne s'épaississaient des verdures nouvelles, s'ouvraient des fleurs, gaieté pour les autres, pour tout ce qui était jeune. Pour lui, ironie atroce, plus sinistre qu'un ricanement de la mort. Il allait et venait, se baissant péniblement, pour arracher ses méchantes herbes. Un vieux fuchsia, qui était devenu un arbre sous le climat doux de Bretagne, encombrait la petite allée de ses branches retombantes. Par le haut, il était presque mort, mais en bas, il avait refléri à profusion, comme une jeune plante. Et quand le vieil homme passait, toutes ces fleurs, couleur de corail, qui frôlaient le drap usé de son caban de matelot, y répandaient en fraîche poussière le trop-plein de leur pollen jaune. Lui aussi, jadis, avait semé au hasard la sève exubérante de sa vie. Mais les hommes ne refleurissent pas dans leur vieillesse comme les arbres, et leur fin est une décomposition horrible à voir. L'été passa encore. La chaleur le ranima un peu. Il mit une dernière fois le paletot en nankin et s'éventa avec la feuille de palmier. Mais l'hiver lui vint une enflure plus maligne qui semblait pleine d'eau. Et il se soignait, s'abêtissant dans cette seule idée de se conserver. Qui sait, à force de précaution, peut-être pourrait-il atteindre l'autre printemps. Non, une nuit de mars, la mort qui passait, allant à Brest, achever quelques poitrinaires, s'arrêta pour le tordre. Elle lui mit la bouche de travers, lui chavira les yeux, lui recoquilla les doigts, il reprit sa course, le laissant raide sur son lit, figé dans la pose qu'il devait garder jusqu'au moment de tomber par morceaux dans la pourriture dernière. Fin de la section 70, lue par Margot.